ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais me fâcher. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais crier. À la crèche, tous les enfants veulent prendre ma poupée, mais je vais pas me laisser faire. À la crèche, tous les enfants veulent prendre mon doudou, mais ils vont prendre des coups. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais me fâcher. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais crier. Au bac à sable, un petit garçon a volé ma pelle, aussitôt c'est maman que j'appelle. Au bac à sable, un petit garçon a voulu prendre mon camion, mais il a pris des nions. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais me fâcher. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais crier. À la récré, la classe des grands a déchiré tous mes autocollants. Mais j'ai crié, et la maîtresse, les amis au coin et couché à la sieste. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais me fâcher. Ma poupée, elle c'est ma poupée. Et personne ne la touche, sinon je vais crier. Mais maman m'a expliqué qu'il y a des enfants qui n'ont pas de jouets. Alors moi, j'ai prêté ma poupée à qui la voulait. Mais ma poupée, elle c'est ma poupée. Bon, je veux bien te la prêter, mais t'as pas intérêt de me l'abîmer.